bienvenue sur l'Instant Groove. Avec Ever aujourd'hui, c'est une heure de découverte de la musique électronique, de la house music, du dub à la techno, en passant par les synthétiseurs qui vous feront frissonner de la tête aux pieds. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir trois artistes en un. J'ai nommé Ever pour la techno, Last News from Disco pour la disco house et enfin Radio Bonheur pour la musique du monde. Je me trompe pas, Ever? Salut. Je me trompe pas du tout, c'est ça? Non, tu te trompes pas du tout. Juste pour la dub, j'en joue pas trop, mais sinon, vas-y, tout le reste. C'est ok. Non, c'était l'émission qui propose du coup la dub, ça. Mais t'inquiète, c'est pas grave. Bienvenue, Ever. Merci. C'est ta première radio aujourd'hui? Ouais, c'est la toute première radio de ma vie. Quel honneur. Ouais, je te le retourne, je suis très très honoré. J'ai un peu peur aussi. Eh ben, pas de stress et on est parti pour l'honneur. Allez, c'est parti, Ever. Ever, j'en ai un peu oublié la politesse. Qu'est-ce que tu vas nous jouer aujourd'hui dans l'Instant Groove? Alors, ça va être un gros mélange. On va partir sur des bases donc électroniques, comme ce qu'on entend aujourd'hui, ce qui est de l'électronique, de la deep balérique. Et on va partir un peu sur de la musique du monde, sur de la musique française. Un gros mélange, un gros melting pot, ce que j'aime bien faire actuellement. Donc, on va faire un petit voyage autour de beaucoup de domaines musicaux, voilà. Un peu dans le monde aussi, du coup, j'espère. Un petit peu dans le monde, ouais, un peu partout. Ouais. Super. Et ben, c'est parti maintenant, la politesse est passée. Et bienvenue sur l'Instant Groove avec Ever. Tu as la peau cuivrée des yeux de chat, Santa Maria.

merci Ever pour ce petit voyage qui commence tranquillement et doucement mais avec des très belles sonorités. J'espère que tu te régales. Ah bah oui, oui. Ça me fait toujours plaisir de faire découvrir de la musique à beaucoup de gens, tu vois. Et bah là, je pense que tu le fais exactement et c'est bien. Que le début du voyage. Trop bien. J'ai une petite question, Ever. Comment, pourquoi tu as commencé la musique ? Alors, pourquoi avoir commencé la musique ? Bah, j'ai une famille de musiciens, donc mon père qui est batteur, mon frère qui a toujours fait de la guitare, donc j'ai voulu aussi, je fais aussi de la guitare, hein. Tu l'as vu tout à l'heure en photo, je t'ai envoyé. Ouais. Et du coup, bah, dès lors que j'ai eu mes premières bourses étudiantes, tu vois, j'ai acheté des premières platines, des Stanton T60 en plastique qui valaient que dalle. Et du coup, bah, je me suis mis à mixer avec mon pote, avec Omar. Excellent. Et c'est quoi les premières choses que tu as mixées d'ailleurs ? C'était du rap. On allait dans une boutique, il y avait encore une boutique pas loin d'ici là, où on achetait des vinyles et des instrumentales, des instrumentales de rap et des a cappella. On s'essayait au scratch et du coup excellent. J'ai eu ma première platine, ma première table de mixage qui était garantie 10 millions de scratch. Je l'ai fumé en deux jours. Excellent. Garantie 10 millions de scratch. Ouais, donc c'est énorme. Ouais. Et depuis quand du coup tu joues de la musique là actuellement ? Ça fait bientôt 15 ans. Ouais, 15 ans que je guitare et platine mix compris quoi. Ouais. Excellent. Et on reviendra après sur la guitare parce que ça m'intéresse beaucoup. Je ne savais pas si c'était une soucis, corde ouais. à ton arc encore. Ouais, ça c'est un projet futur à venir dans quelques années peut-être. Est-ce qu'on peut se faire une petite dernière question avant de reprendre ? Vas-y. C'est quoi pour toi tes influences musicales majeures ? Alors, tu vois, moi j'écoute énormément de choses, donc je suis très éclectique. On va le voir aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, donc si tu pars de l'électronique, ce serait plutôt Massive Attack, des Board of Canada, tout le label Warp, tu vois, Warp Record. Saint-Germain aussi, que j'aime beaucoup. Et, si tu vas dans d'autres domaines, je suis un gros fan de Tool, Nine Inch Nails. C'est énorme. C'est côté métal. Et après, j'aime bien Orchestra Baobab, donc un groupe sénégalais. Voilà, c'est ce que j'écoute le plus dans ma playlist Spotify, tu vois. Je pense que t'as beaucoup à m'apprendre et je serais ravi de t'accueillir dans d'autres émissions pour faire un peu la culture de ceux que j'invite. Pas de soucis. On peut repartir, Ever. Et c'est parti pour la suite de l'Instant Groove avec Ever. Thank you. tenaya ma baji mama ayangi ka mama ibanja kona banja kona ichocha sa banja kona ichocha sa banja kona saberá lhe dar valor, dá valor. Vale quanto pesa pra quem preza o louco bumbum do tambor. Do tambor, fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Sei que muitos têm na testa o Deus só como um sinal. Um sinal. Eu, como devoto, trago um cesto de alegrias de quintal. De quintal. Há também um cântaro. Quem manda é Deus a música, pedindo pra deixar. Pra deixar. Derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. Pra outro lugar, fogo eterno pra consumir o inferno. We'll be right back. chers auditeurs, vous êtes toujours sur l'Instant Groove avec Ever aujourd'hui et moi-même Nathan. Ever qui vient nous faire voyager de l'Afrique jusqu'à la disco funk japonaise. C'est merci ça, ouais. Ever, c'était incroyable. J'ai l'impression d'être dans un petit salon cosy et on écoute de la musique. Ouais, ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est le but. Là, je vais partir un peu sur de la musique électronique, puisque c'est un peu quand même le thème de l'émission, mais comme quoi on peut un peu tout jouer et faire. En fait, toutes sortes de musique peut entrer ensemble, en fait, peut se marier ensemble. Donc voilà, c'était un peu aussi la démonstration. Ouais, c'était prenant et je voulais même pas couper la musique tellement j'étais dedans. C'est gentil. Ever, as-tu une petite anecdote à nous raconter que t'as eu pendant un de tes DJ sets ou tu veux celle où tu m'as invité à la Boum les Bains, t'en veux une des anecdotes? Peu importe. Celle où on se roulait par terre là. Ah, bonne ou mauvaise? Non, j'en ai une qui est un peu connue, c'est la première. Donc quand je jouais techno, donc sous le nom Ever, on avait l'association Tekin qui existe toujours, et la première soirée qu'on avait organisée donc à l'Austra. Donc la toute première, donc franchement on balisait, on avait invité un jeune DJ, et je tairai le nom, et du coup donc il devait nous rejoindre pour manger au restaurant, donc voilà, il nous avait prévenu donc 2-3 heures plus tard qu'il venait pas, donc bon, pas de panique, tant pis, on se dit pas grave. Finalement en fait le type il arrive 15 minutes en retard à son heure de set, donc il devait jouer à 2h, il est arrivé à 2h15 sans s'excuser, plaisir, sans comme rien. Une fleur, vas-y je m'en fous, je me la raconte, donc voilà. Super. Donc c'était notre première tête d'affiche qu'on ramenait, tu vois, et donc du coup il a dû jouer peut-être quoi, 20-30 minutes, et notre président d'asso ça l'a saoulé en fait, du coup ce manque de respect, ouais, je vois. Ça l'a gavé, donc Karl, big up à toi. et du coup, il a carrément tâche des platines, il l'a viré des platines. Incroyable. Il lui a piqué son casque. On l'a payé, il s'est barré, quoi. Vraiment, barre-toi. Normalement, tu fais pas ça quand c'est ta première. Mais là, vraiment, voilà, c'était trop. Voilà. Donc, très bonne le respect, très important. Voilà, respect des artistes et respect aussi des orgas. C'est ça, voilà. Que penses-tu du monde de la musique électronique et de son évolution actuellement ? Écoute, dans tout, pour moi, tu vois, dans tout domaine musical, que ce soit du jazz ou que ce soit dans la musique électronique, peu importe, dans les nouveaux mouvements, il y a des choses qui sont très intéressantes dans chaque mouvement, tu vois, que ce soit ancien ou nouveau. La musique électronique a toujours aussi des super choses à écouter, tu vois, il y a des choses intéressantes. Après, j'en écoute un peu de moins en moins, tu vois. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, mais c'est très bien. Je sais pas. Ce qu'il y a en l'heure actuelle, tu vois, ils reprennent des mouvements du passé, en fait. Il n'y a rien qui est vraiment trop créé. Il y a des gens qui créent aussi de la musique, hein, quand même, mais c'est souvent des mouvements passés qui sont repris et redécorés à l'heure actuelle. Tu vois. Justement, ça fait 15 ans là, que tu fais de la musique, et entre le début où tu as commencé et maintenant, est-ce que tu vois un gros changement positif ou un changement plutôt négatif ou pas rien? Je commence à être vieux, donc est-ce que c'est mes oreilles aussi qui, tu vois, je peux pas avoir un jugement. Je trouve que les jeunes, chaque mouvement qui est lié à la jeunesse, ils se complaisent dans ce qu'ils font, donc c'est pas à moi de donner mon avis là-dessus. C'est okay. Plutôt plus jeune de dire... Enfin, moi, l'évolution, je la vois, comment dire, j'en écoute plus, quoi. Ça marche. Je peux plus aller transformer, quoi. Voilà. S'il y a un artiste avec qui tu aimerais collaborer à tout prix ou faire un B2B, l'artiste de tes rêves, quoi. Ce serait décédé, serait avec Laurent Garnier, forcément, tu vois, bah oui, avec oui. La classique. Hein. Ouais, il t'a bercé, quoi. Ouais. Bah ouais, avec ses émissions, c'est surtout ce qui m'a vachement motivé aussi à être DJ, c'était les émissions It Is What It Is. Qu'il faisait à l'époque, tu vois. Ok. Je connais pas du tout, mais. Ça bah, je te... va sur SoundCloud, il y en a encore, tu vois. Super. Vraiment, je t'invite à aller les ça, écouter, ouais. C'est vraiment trop cool. Cher auditeur, je crois qu'on va repartir pour un voyage. Ever, qu'est-ce que tu nous proposes là maintenant ? On va mettre un petit peu de deep, et puis après, on va partir un petit peu en voyage, encore une fois. Ok, c'est parti. Et ben, let's go pour ce petit voyage. indlala isibuda isinhlamahlama sitshontshana nasemizini yawo ngenxa yesiputla abafazi bayakhala emakhaya abantwana abasayi nasesikolweni ubaba akasalali emzini wakhe ulala ame ngezinyawo esipotini awu mama ikhanda liyangesinda ngithi yenza yenza isiputla Toujours sur l'instant groove avec un magnifique solo. C'est quoi le nom de la musique, s'il te plaît, Eva? Sputla. Sputla. Alors attends, c'est Sputla de Teaspoon and Delu. Ah, excellent. Donc sur le label de Mr. Bongo. Ok. Voilà, qui était au NJP l'année dernière ou l'année d'avant, d'ailleurs. Les Nancy Jazz Pulsations. Voilà. Eva, comment arrives-tu à gérer ton stress avant de mixer avec tes 15 années d'expérience? Alors, ouais, il faut toujours... Alors, c'est un conseil pour les nouveaux DJ, tu vois, qui veulent... pour moi, il faut toujours être au moins accompagné avec ses potes, tu vois, toujours avoir un petit pote et avoir une petite bière. Enfin, c'est pas un conseil, c'est pas le meilleur des conseils, mais bon. Oui, bon, l'alcool est à consommer avec modération, non, mais je suis d'accord. Sinon, avec un ça. Ginger beer, c'est très bien. Ça marche aussi. Pas trop, mais ça marche. Bah, c'est pas alcoolisé, le ginger beer. Mais oui, quoi. C'est pour ça que je dis que ça marche pas. Ouais. Ça marche pas. Comment ça marche pas? Ça marche le ginger beer? Ouais, ça marche, ouais. T'as déjà testé? Ouais, me dire avant ouais, recette, ça marche, ça te détend, ça te détend et tout, c'est nickel. Okay, donc tu vois, avec entouré de ses potes et puis voilà, faut pas trop se mettre la pression. Après, quand tu prends les platines, tu cherches quand même un peu cette adrénaline, donc d'avoir peur, enfin d'avoir la peur, d'affronter l'inconnu, tu vois, donc ces trucs-là, donc c'est un peu, ça te donne des shoots d'adrénaline, c'est aussi ce que tu recherches. Ouais. Si t'as pas la peur, si t'as pas le stress, ça sert à rien de mixer, donc pour moi... Faut pas la fuir, faut l'affronter. Faut l'affronter, ouais. Voilà, c'est un bon stress, tu vois. Donc, merci c'est cool. pour tes bons conseils. J'ai une petite dernière avant de reprendre. Quel est pour toi le meilleur morceau que là que tu joues aujourd'hui? Aujourd'hui, si tu devais en choisir. Là, sur toute la sélecta ou en ce moment ce que j'ai. Surtout la sélecta. Ce que tu joues aujourd'hui ou surtout cette sélecta. Moi, un morceau que j'ai tout le temps dans mes clés USB là, c'est un Paul Johnson Hear the Music. Ok, c'est quel style? C'est House, paix à son âme d'ailleurs, et vraiment c'est un pur morceau, tu peux le jouer n'importe où, il ne lâche jamais, tu vois, c'est vraiment le truc incroyable, okay. Et il peut retourner, alors c'est très très connu, je t'invite à aller l'écouter, sur, oui. Je te le ferai écouter tout à l'heure, c'est... Avec grand plaisir. C'est vraiment une grosse balle, quoi. Et on repart avec ses bons conseils sur l'instant groove avec Eva. Thank you. Over you. Vous êtes toujours sur l'Instant Groove et je suis toujours avec Ever. Salut. Ever, comment te sens-tu ? Eh ben très bien, écoute. Merci pour ce voyage, je suis très très content, ça me fait planer depuis tout à l'heure, j'espère que les auditeurs aussi. Eh ben merci, c'est le but. Hein. Ever, tu sais, je suis un grand fan de cuisine, je suis un grand gourmand et je suis surtout un grand appréciateur de boissons. Mm-hmm. Avec quoi se marierait le mieux ton set actuellement? C'est une question compliquée parce que tu vois, je mélange vraiment beaucoup de choses. J'ai mangé un poulet à l'ananas tu vois, j'ai commandé un chinois, donc du coup... Génial. Un poulet à l'ananas, ouais, je pense que ça serait bien. Excellent. Avec en dessert, un riz gluant, tu vois, je dirais bien. Donc là, on part en Thaïlande, un riz gluant à la mangue. Impeccable. Et en boisson... ce que j'aime bien, London Mule. Allez, voilà. Impeccable. quelle est ta prochaine soirée et où ? La prochaine soirée que j'ai, c'est le... les dates... le 4 août, c'est un vendredi, le vendredi 4 août à la fête. Génial. Donc c'est dans les Vosges. Laval-sur-Vologne, ouais. Ouais, c'est pour le off, pour l'after du festival de la Tambouille. On va jouer avec l'association Tekin et là ce sera donc techno. Incroyable, ok. Et pas. Sinon, une autre date avec le bon Johnny Buntar, donc Seb, bien plus tard, en septembre, début septembre, à la Palmouze, où on va faire un set toute la journée. Voilà. Sur deux à peu près le même style. Des heures, 7 heures, ça doit être 7-8 heures. Incroyable. Avec un peu ce type de musique là, voilà. Super. Quel est ton petit plaisir coupable en musique? En ce moment, franchement, en plus, là, vraiment, premier degré, j'écoute, je réécoute Saga Africa de Yannick Noah. Mec, c'est incroyable. L'entrée en matière, quand il rentre dans le morceau, mais c'est fou, en fait. Mm-hmm. Non, en vrai, je comprends pourquoi il y a eu du succès à l'époque, c'est trop bien à écouter. Ah, là, c'est vraiment plaisir coupable pour le coup, mais vraiment, je trouve ça trop cool. Mais c'est du soleil, hein, quand même. Ouais, c'est vraiment du soleil. Sinon, Docteur Alban aussi, j'aime bien. Ouais. Ok, super. Est-ce que tu as des fans et comment tu les décrirais et est-ce que tu as des personnes qui te suivent depuis le début? Non, mais alors, pour avoir des fans, je pense qu'il faut avoir déjà tu vois, moi je suis DJ, je mets juste de la musique et je m'en fous, en fait. Tu vois, pour avoir des fans, faut avoir un groupe, faut avoir une gueule, faut un peu miser sur tu vois, même les DJ, je pense qu'ils misent un peu sur leur gueule. Moi je m'en fous, tu vois. Donc non, j'ai pas vraiment de des gens qui me suivent, qui aiment m'écouter, mais pas sur le terme fan, quoi. Moi, je crois que je suis fan de c'est toi. C'est vrai, ouais. Écoute, alors j'en ai peut-être des secrets, je sais pas, mais... Non, mais franchement, tu me fais plaisir aujourd'hui. Donc du coup, t'as pas de mots pour tes petits fans qui t'écoutent, à part moi, du coup. Bah, merci, merci. merci d'être là, quoi. Merci d'écouter. Est-ce qu'on peut retrouver sur des plateformes, des réseaux sociaux, ce que tu fais On fait très peu de sets. Du coup, très très peu de sets. Il faudrait absolument que j'en fasse un peu plus. Il doit y avoir peut-être un set sur SoundCloud ou des choses un peu discrètes. Non, il faut plutôt venir nous voir sous la Snowstorm Disco avec Étienne. Il faut venir nous voir directement quand on mixe, on enregistre très rarement. On peut vous trouver sur Facebook, la Snowstorm Disco. C'est ça, ouais. Et Ever sur ta page aussi, Tekin. C'est ça, exactement. Petite dernière question, pourquoi tu t'appelles Radio Bonheur? Pourquoi tu t'appelles Last News from Disco? Voilà, ça c'est des questions difficiles. Radio Bonheur, il n'y a pas vraiment de... C'est juste la palmouze, je me suis réveillé, je prenais le micro à faire des compliments aux gens et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un format qui s'appellerait Radio Bonheur. Last News from Disco, c'est plus un truc, je sais plus l'historique précise, mais c'est en gros, il y a une personne qui était un peu déchirée, qui nous a demandé des nouvelles de la disco. Ah, excellent. Et du coup, c'est devenu la Snowstorm Disco, parce que voilà, pour le délire, quoi. Excellent. Et bon, on va finir sur cette anecdote, Ever, et on va finir ton set. Il nous reste 5 minutes, là. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission de l'Instant Groove. Et de rien, merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup. Bisous à tous. Et c'est reparti pour le set Ever sur l'Instant Groove.